Très bien. Très bien. Donc, une introduction qui se fait un peu en deux temps, très basiquement, le pourquoi du séminaire et puis le comment, pour finir. Tout d'abord, dans ce premier temps, de pourquoi présenter un peu le groupe, ses objets de recherche, ce qui a abouti, du coup, à la mise en place de ce séminaire. On va le développer en trois points, si vous me le permettez, puisque c'est un espace démocratique, hein, n'est-ce pas ? Donc, je vais revenir sur ma présentation. D'abord, montrer un peu comment on s'inscrit à la croisée des sciences humaines et sociales, sans prétention, hein, mais c'est juste pour montrer le côté articulation, à la croisée des sciences humaines et sociales, voir un peu notre espace commun d'investigation, notamment notre articulation histoire-sociologie, hein, qui est assez centrale dans ce groupe-là. J'essaye de parler fort pour Cathy, ça va, tu m'entends ? Je vous entends, Cathy ? Okay. Oui, voilà, donc à la croisée de l'histoire et de la sociologie, en deuxième point, la question genre et classe populaire, et là procéder un peu à une archéologie des concepts, une généalogie critique de leurs usages, pour voir un peu les définitions sur lesquelles on est arrivé nous au cours de notre travail de groupe et ce qu'on peut vous proposer pour travailler ensemble, ou pas d'ailleurs, une fois de plus. Et puis finir en troisième temps dans cette première partie sur la question des dominations qui sont centrales, hein, à l'épistémologie féministe dans laquelle on s'inscrit, et voir un peu, pareil, les pistes qu'on vous propose. Alors tout d'abord, notre terrain commun d'investigation. Bon. Donc, vous l'avez compris, hein, genre, classe populaire, imbrication des rapports de pouvoir, c'est le premier point qui unit un peu et qui organise notre séminaire. Donc, cette imbrication, elle participe des méthodologies et des terrains de recherche dans lesquels nous nous sommes engagés. Et l'articulation et la communication entre les disciplines de l'histoire et de la sociologie, hein, sont très importantes, je pense, dans l'appréhension qu'on a d'une histoire à la fois sociale et culturelle, mais également politique, économique, et a permis de définir un peu un espace commun à notre recherche, que du coup, j'aimerais vous développer en quelques points. Tout d'abord d'ailleurs, une recherche qui se veut basée sur une analyse approfondie des archives. Je vais revenir sur ce point-là. Pourquoi est-ce que je précise quelque chose qui a l'air d'être une évidence ? Donc, une analyse approfondie des archives et une approche compréhensive de son terrain de recherche, en insistant sur l'historicité et la plasticité de nos objets. En d'autres termes, donc, voilà, on étudie des configurations historiques. On essaye de ne pas figer, hein, les moments. Configurations historiques à travers l'étude des pratiques des individus par un travail empirique, hein, archives empiriques, vous allez voir où je vais en venir, sur des documents de première main. Voilà, donc là, normalement, j'ai passé l'épreuve du positivisme universitaire, parce qu'effectivement, ce qui peut vous paraître une évidence en termes d'approche empirique, d'approche par les sources de la pratique, reste néanmoins essentiel à préciser quand il est question de genre, puisqu'une partie importante du monde universitaire français tend quand même à réduire le questionnement du genre à la seule analyse des discours, et donc d'un monde idéal, d'un monde normatif, qui informe le fonctionnement de la société, et pas la société en elle-même, en fait. Cette approche discursive, certes, elle existe. Elle a été élaborée notamment sous l'influence de l'historienne John Scott et de la philosophe Judith Butler, dont vous pouvez trouver les références dans la bibliographie qu'on vous a distribuée, et ne constitue pas une fin en soi. L'importance du langage et du discours, effectivement, est centrale, mais ne saurait exclure une étude de la construction sociale des rapports de genre. On essaie vraiment d'avoir cette approche sociale, sociologique des rapports de genre. Et ce, d'autant plus que, pour nous qui étudions les classes populaires, les sources discursives sont quand même le plus souvent le produit d'une élite et des représentations et des conceptions qu'elle a de la société. Et du coup, écarte en quelque sorte les aspects matériels et historiques des oppressions subies, ainsi que les groupes sociaux qui n'ont pas accès directement à l'écriture, comme une partie des classes populaires au XVIIIe siècle, c'est vrai. Au XIXe et au XXe siècle, ça l'est encore. Hein. Les classes populaires ne laissent pas particulièrement de traces écrites. Et donc, du coup, l'intérêt de travailler sur des sources de première main, des sources policières, des sources notariales, etc., hein, vient nourrir un peu cette approche matérielle, concrète, hein, des classes populaires. Deuxième temps de cet espace commun d'investigation, la méthodologie de ce qu'on appelle, hein, l'ethnographie historique. Alors, c'est une découverte très récente, hein, je fais comme si je maîtrisais totalement la méthodologie, mais c'est juste pour vous donner un peu, hein, une fois de plus, les méthodes qu'on essaye d'adopter dans notre travail. Alors, l'ethnographie historique et sa méthodologie, c'est notamment un regard porté sur le passé à partir de l'interconnaissance, de l'interaction et de la multi-appartenance, hein, sur la catégorie de l'identité, qui se joue entre les individus, pour ne retrouver parfois les institutions qu'en fin de parcours. Donc, par exemple, pour la prostitution, pas partir de l'administration de police, mais essayer peut-être de partir d'abord du monde des prostituées pour comprendre cette autodéfinition qui se joue par les prostituées de leur milieu, de leur travail sexuel, pour comprendre ensuite peut-être comment la police vient encadrer, réguler et normaliser tout ce processus. Donc, essayer de saisir un cadre d'interaction qui peut du coup déborder les institutions qui produisent les sources sur lesquelles on travaille, par une observation des dynamiques sociales, et du coup transformer un peu les contours des institutions en fait qu'on étudie. Et par exemple, Eve, Fanny ou Patricia, qui étudient plus particulièrement la question des mobilisations féminines au travail, développent un peu cette approche des dynamiques sociales, parce que le sociologue Olivier Filliol dénomme les lieux de travail du genre. C'est ça, d'être dans cette espèce de configuration institutionnelle, interactionnelle, intersectionnelle, on va revenir sur ces termes, essayer de voir un peu l'articulation dynamique institution. Donc l'idée en gros, c'est d'aller observer la question du genre de près, sur le terrain ou dans les archives, voir comment ces mobilisations se passent, produisent ou reproduisent des rapports de genre et de classe, et comment ces derniers sont continuellement négociés. Essayer de ne pas figer les catégories de l'identité auxquelles on a recours. Enfin, dans un troisième temps de notre espace commun de recherche, la volonté d'être en rupture avec ce qu'on appelle les données de l'évidence ou les catégories du sens commun. Et du coup, en utilisant des catégories d'analyse, poser des questions que les contemporains ne se posaient pas. Au XVIIIe siècle, la question du genre n'existe pas. Déjà, la sexualité n'existe pas comme question, le genre encore moins. Donc c'est ça la question d'une catégorie d'analyse, ça ne fait pas référence directement à des catégories employées par les contemporains. Mais ce sont des catégories mobilisées par le chercheur pour questionner l'histoire. Donc, c'est comme ça que nous envisageons les concepts de genre ou de classe, qui sont pour nous des opérateurs du monde social, qui permettent de révéler des relations de pouvoir, que ce soit de domination ou de puissance d'agir, capacité d'agir, et du coup, toujours dans cette volonté d'appréhender des configurations d'agencements sociaux mouvants. Du coup, ça nous semble intéressant maintenant, dans un second temps de cette première partie, de revenir sur les définitions de ces catégories, afin de mettre en œuvre une première base de réflexion commune et commencer à penser leur articulation. Alors, ça va être un peu un répertoire de définitions, avec une volonté un peu chronologique, pour comprendre les élaborations des concepts de genre et classe populaire. Et c'est un répertoire qu'on vous propose, et puis que, voilà, on peut, et j'espère qu'on va enrichir tout au long du séminaire. Alors, au vu de nos objets de recherche qui sont tournés principalement vers l'étude des milieux populaires et ouvriers, il nous a semblé bien évidemment essentiel de nous concentrer sur l'imbrication des rapports de genre avec les rapports de classe qui interviennent de façon décisive dans l'articulation et la production de ces groupes sociaux qu'on appelle populaires. Du coup, dans la perspective définie par Christelle Hamel et Johanna Siméon, normalement la référence est aussi dans la bibliographie, d'un numéro spécial de la revue Genèse intitulé « Genre et classe populaire », donc on a repris honteusement pour le titre de séminaire d'ailleurs, il s'agit pour nous d'interroger la construction mutuelle des rapports de genre et de classe dans les milieux populaires, donc une construction mutuelle, pas figer les catégories, toujours dans des constructions mutuelles, des articulations qui se coproduisent en même temps. C'est facile à dire, c'est beaucoup moins facile à faire après dans sa recherche, mais c'est juste une sorte d'idéal vers lequel on essaye de tendre. Donc, interroger la construction mutuelle des rapports de genre et de classe dans les milieux populaires pour comprendre, je les cite, comment les mécanismes qui produisent ces deux types de domination s'agencent, se combinent, s'enchevêtrent. Et c'est autour de cette problématique de départ que s'est structuré notre travail de groupe qui visait en quelque sorte à pratiquer un peu cette méthodologie et l'articulation genre et classe. Donc, j'aimerais maintenant revenir un peu sur la définition du genre, et puis Anaïs après me suivra sur la question des classes populaires. Alors, un petit état des lieux sur la question du genre aujourd'hui. Alors, tout d'abord, constat, le genre est un concept polysémique, je ne me mouille pas. C'est une catégorie d'analyse qui rassemble en un seul mot un ensemble de phénomènes sociaux, historiques, politiques, économiques, psychologiques, et qui rendent compte en quelque sorte des conséquences pour les êtres humains de leur appartenance à l'un ou à l'autre sexe. Donc, définition très large que je vais venir essayer d'affiner. Donc, comme tout concept en sciences humaines et sociales, celui du genre n'est pas univoque. puisqu'il peut signifier plusieurs approches différentes, voire divergentes, des phénomènes. Ça peut être celle de la sexuation des comportements, celle des constructions identitaires, celle des rapports et inégalités entre hommes et femmes, ainsi de suite. Peut-être plus simplement, on peut présenter aussi le genre, concept polysémique, comme également un champ d'analyse. Parce que autour de ce concept, c'est peut-être comme ça qu'on va réussir à comprendre un peu ce sur quoi il porte, c'est progressivement développé tout un champ de recherche qui s'est autonomisé dans le monde académique depuis une quarantaine d'années maintenant, et qui prend pour objet les rapports sociaux entre les sexes. Ce champ des études sur le genre est traversé par de multiples disciplines, des sous-champs de recherche variés qui renvoient à plusieurs options méthodologiques et théoriques. Donc, on a un concept qui est polysémique et en plus en constante reconfiguration, selon les disciplines, selon les moments où il est sollicité. Et du coup, il ne s'agit pas ici de figer sa définition, mais de proposer des axes de réflexion. Peut-être plus pragmatiquement, on pourrait juste dire, déjà là, maintenant, que le genre est une grille de lecture, et que du coup, il nous semble intéressant d'appréhender ce questionnement comme une grille pour essayer de trouver les critères, qui permet de définir. Alors, petite généalogie du concept. Je m'appuie ici sur un article récent de Michel Zancarini-Fournel qui est paru dans le numéro relecture de la revue Clio, Histoire, Femmes et Société, donc en 2010. Et justement, pour essayer de définir la question du genre, elle dit que c'est peut-être, au lieu d'essayer de donner une définition comme ça de but en blanc, revenir sur l'itinéraire du concept. Et notamment voir les fondements théoriques des diverses notions qui sont venues définir le genre, comme notamment le terme de condition féminine, rapports sociaux de sexe, ou genre aussi, qui vient définir le genre, bon, c'est un peu circulaire, et voir comment il a été agi et utilisé dans différentes disciplines comme la sociologie, l'histoire et la science politique. Donc, trois moments pour venir définir le genre, un moment marxiste, un moment post-structuraliste, dépassement de la structure, donc du matérialisme historique institué par les marxistes, et un moment queer, sur lesquels je vais revenir. Alors, le moment marxiste. Selon Michel Zancarini-Fournel, le marxisme a accompagné et articulé la rupture épistémologique du féminisme dans les sciences humaines et sociales. Et le concept du genre est présent dès le début des années 70, mais finalement on va souvent lui substituer d'autres catégories, d'autres notions pour en rendre compte. En sociologie, par exemple, les féministes dites matérialistes développent la question du genre autour de la critique du patriarcat. En fait, au lieu de parler de domination masculine, elles vont parler de patriarcat. Alors je vais revenir sur ces questions-là. Ce courant-là, il est notamment représenté par Christine Delphi, Nicole Claude-Mathieu ou Paola Tabet, qui considèrent en fait que la différence des rôles et des positions sociales entre hommes et femmes sont le fruit d'une domination patriarcale et non d'une quelconque nature. Il faut essayer de débiologiser les rapports de sexe, donc bien montrer que c'est une question matérielle et non naturelle. Du coup, la société dans cette méthodologie est analysée en termes de classes antagonistes, des classes de sexe, qui sont historiquement constituées et qui ne préexistent pas à leur rapport d'opposition. Les classes ne préexistent pas avant de s'opposer, comme la classe ouvrière et la classe patronale n'existent pas avant la lutte des classes. Si vous voulez, elles existent par la lutte des classes. Donc ce sont les rapports réels entre ces groupes, en particulier les rapports de production et de reproduction, qui expliquent leur constitution pour ce mouvement. Et donc il n'existe pas de domination naturelle, il n'y a que des dominations matériellement motivées. L'appropriation des ressources, par exemple. Du coup, les notions de patriarcat et d'oppression de classe et de patriarcat et d'oppression de classe de sexe sont avancées pour appréhender la question du genre et le système de subordination plus particulièrement économique des femmes dans la société. On est dans le siège du marxisme, donc forcément, on a une clé de lecture économique très forte pour penser la différence des sexes. Alors, du côté de la discipline historique, on peine un peu plus. Puisque vous savez qu'en France, l'histoire est quand même plutôt réticente à conceptualiser et surtout à systématiser cette question de domination sexuelle. Du coup, on préfère la notion de condition féminine pour faire l'histoire des femmes, l'histoire du genre féminin. Donc le genre n'est vu qu'au féminin, si vous voulez. Alors, cette notion de condition féminine pour rendre compte du genre, c'est une catégorie de l'expérience. C'est-à-dire qu'on essaye d'étudier cette condition via les rapports de domination des hommes sur les femmes par les modes de vie. Donc l'expérience du mariage, par exemple, de la vie familiale ou encore de la maternité constituent les principaux lieux d'investigation pour penser la domination masculine et faire une histoire des femmes à un instant donné. À un instant donné, certes, mais en même temps pour dénoncer cette situation éternelle, d'infériorité des femmes, et donc là avoir une approche peut-être plus anthropologique de la question de la domination des sexes. D'ailleurs, à cet effet, l'historienne du travail, Louise Tilly, disait de cette approche qu'elle était une histoire au féminin compensatoire. Il s'agit de restaurer la place des femmes dans l'histoire et montrer plus ou moins qu'elles ont été les éternelles victimes de ce processus historique. Et c'est pour ça que c'est une catégorie qui est problématique. Parce que certes, elle permet de faire exister les femmes comme sujet du social et de l'histoire. Bon, c'est énorme par rapport au champ universitaire de l'époque. Mais le problème, c'est que ça essentialise le groupe des femmes en fonction d'un rôle spécifique et complémentaire, puisqu'on les étudie toujours que par le mariage, la maternité, la famille, et finalement on naturalise ce groupe de femmes en fonction déjà des catégories qui leur sont assignées par la société. On reprend les catégories du système de domination des sexes. Et du coup, le terme de condition féminine ne permet pas de dénaturaliser le destin biologique des femmes. Or, c'est tout l'enjeu du genre. Et du coup, c'est pourquoi les historiens vont progressivement s'emparer des conceptualisations opérées dans la sociologie féministe pour opérer ce que Bourdieu appelait le travail historique de déshistoricisation des identités de sexe. C'est dans la domination masculine. La notion de rapports sociaux de sexe, introduite sous l'influence de la sociologue Danielle Kergoat, sera ainsi reprise par le champ historique, après la notion de condition féminine, pour faire éclater cette fixité des catégories, dont on essaye d'analyser quand même la dimension relationnelle, dépasser une simple histoire des femmes pour faire une histoire des relations hommes-femmes, si vous voulez, et montrer la question de la hiérarchie et la matérialité de cette hiérarchie. Et toujours dans le siège du marxisme, la question de la division sexuelle du travail est du coup centrale dans tout ce champ d'études des années 70, début 80. Ce qui va changer, c'est notamment l'article de John Scott, intitulé « Le genre, une catégorie d'analyse historique utile », qui est paru en 86, et qui va marquer l'introduction du terme de genre, cette fois-ci, dans la discipline historique. La question du genre va alors s'émanciper de l'histoire des femmes, qui s'intéressait donc à la seule étude de la condition féminine et de son oppression, pour être plus généralement une histoire du pouvoir, essayer de réélargir, de ne pas faire une sorte de particularisme historique, mais de penser plus généralement le pouvoir, par le genre, penser le pouvoir. Dans son texte, John Scott, elle part du constat qu'il n'y a pas d'usage généralement admis du terme de genre, et du coup qu'il faut en formuler une définition ouverte, mais qu'il faut essayer de synthétiser et de proposer une définition. Elle reconnaît les apports bénéfiques des études sur le genre jusqu'à elle, mais elle soulève les limites de leur conceptualisation. D'abord, pour elle, jusqu'à John Scott, le genre a été utilisé d'une façon trop descriptive. C'est souvent le constat d'une relation différenciée, hiérarchisée entre les sexes, mais on n'analyse pas la production de cette différence. Il faudrait revenir un cran en arrière, De plus, en n'essayant pas justement d'analyser la production de la différence entre les sexes, on reste dans ce caractère binaire, figé, homme-femme, qui vient articuler et ordonner la société. Donc on n'arrive pas à dépasser finalement ce que la société produit. Et enfin, par ces deux problèmes-là, l'histoire du genre, et le genre d'une manière générale, a une capacité faible à transformer les paradigmes historiques existants, et donc les normes dominantes qui articulent les rapports de pouvoir et de domination. Alors qu'elle veut véritablement faire un moteur pour changer l'histoire. Donc, elle essaye d'opérer un double déplacement dans son article. Ça se trouve, vous connaissez ce dont je suis en train de parler, donc je m'excuse si ça fait un peu court, mais c'est pour vous présenter les lectures qu'on a faites au cours de l'année. Donc, dans cet article central, elle a opéré un double déplacement. D'abord, un déplacement des rapports sociaux de sexe à la matrice du genre. Donc, aller à se penser, au lieu de penser la différence, penser la production de la différence pour dépasser justement cette binarité homme-femme. puisque selon elle, conditions féminines, rapports sociaux de sexe, ça ne permet pas de dépasser justement la différence des sexes. Or, le genre est un terme beaucoup plus neutre, entre guillemets, vis-à-vis de cette binarité, donc c'est plus pertinent de l'utiliser comme concept. Et elle essaye aussi de se déplacer de l'étude de la condition féminine, donc de ne pas faire du genre qu'une simple histoire des femmes, à la question du pouvoir plus largement. Finalement, les rapports de genre ne sont pas nécessairement uniquement actifs dans les rapports hommes-femmes, mais plus largement organisent, ordonnent la société à bien d'autres niveaux. Donc, c'est ce que dans un deuxième temps... Ça va au niveau du temps? J'accélère? Très bien. Donc, moment post-structuraliste. Voilà, sa définition, hein, je vous la donne. Le genre est un élément constitutif des rapports sociaux fondés sur des différences perçues. Elle parle alors de rapports de genre. Rapports de genre qui se jouent par et dans les symboles, les normes, les institutions sociales et l'expérience que les individus font d'eux-mêmes, donc articulés macro, micro, collectif, individuel. C'est une façon première de signifier les rapports de pouvoir pour John Scott. Rapport de pouvoir défini comme rapport de force, mais on va revenir sur ces définitions du pouvoir. Et du coup, le genre permet d'observer la structure des pratiques et des représentations qui organisent justement la société et les rapports de force qui leur donnent. Cette approche est particulièrement attentive au langage, d'où problème du fait que l'analyse du genre tend à devenir celle de la production du savoir sur la différence sexuelle, hein, une analyse linguistique, si vous voulez, de la production de la différence des sexes, celle de la construction des significations subjectives et collectives femmes-hommes. On étudie la construction des systèmes de perception, à partir d'une analyse du discours, bien évidemment. Au lieu de considérer les catégories femmes comme préexistantes, hein, elle analyse la manière dont les sujets sont constitués comme différents. Finalement, d'une catégorie des sexes, on est plutôt à une catégorie de la différence. Hein. C'est le déplacement qui est en train de s'opérer. Ce déplacement, je fais très vite, va être remis en question par la théorie queer, dans un troisième temps, puisque, au final, l'article de Scott et son programme, justement, de dépassement de la binarité des sexes a échoué, en quelque sorte. Le concept de genre a été plus ou moins normalisé, intégré dans le champ académique, mais au profit d'une perte, hein, de sa force critique. Et finalement, il n'a pas permis de dépasser la binarité des sexes. Hein, le plus souvent, ça reste en l'état. Et puis, on préfère utiliser différence des sexes, rapports sociaux de sexe que genre. Et du coup, on en vient à... On a certes débiologisé le sexe en soi, mais finalement, on naturalise un peu le sexe social. Quoi. Il y a deux sexes sociaux et on pense sexes sociaux. Et on ne pense pas finalement la multiplicité des identités qu'il y a autour et qui ont été justement mises de côté par un processus de normalisation. Et du coup, c'est dans cette perspective de dépassement et de trouble des catégories, dans le cadre des mouvements gays et lesbiens aux États-Unis et de la théorie queer, qu'on va repenser le genre, donner une nouvelle conceptualisation. Conceptualisation qui se propose de dépasser justement la binarité, l'opposition homme-femme, l'opposition hétéro-homo, en montrant la multiplicité des identifications possibles. Méthodologiquement, ce qu'on essaye de faire, c'est interroger les constructions du genre à partir de l'étude de ce que la théorie queer appelle les subjectivités excentriques. Donc tout ce qui est anormal, en fait, qui ne rentre pas dans les normes de genre. Et du coup, afin d'éviter que ces subjectivités excentriques ne se figent et qu'on finalement on réessentialise d'autres catégories, comme celles d'homosexuels, de gays, de lesbiennes, on va essayer de travailler sur une vision de continuité entre toute la différence des identités, entre le masculin et le féminin, entre l'homosexuel et l'hétérosexuel. Hein, on travaille l'infinité des identités et des comportements qui existent. Essayer de ne pas figer, une fois de plus, les catégories. Par ailleurs, Judith Butler apporte un nouveau concept, hein, celui de performance, pour essayer de comprendre comment on peut travailler notre rapport à la question du genre. Le genre n'est pas une identité finie ou fixe, hein, elle est une performance sociale, apprise et répétée, qui, en fait, vient naturaliser cette différence des sexes. Et donc c'est dans Trouble dans le genre, hein, qu'elle développe cette théorie. Mais puisqu'il s'agit en fait d'une fiction qu'on crée au quotidien, qu'on met en scène au quotidien, on peut agir sur ces identités, on peut les transformer, hein, on peut les subvertir, et c'est ce que propose d'ailleurs la théorie queer. Donc, bilan très rapide, le genre est un champ de normes et de pratiques, et il comprend bien évidemment les rapports sociaux de sexe qui l'informent. C'est un principe d'ordre qui différencie et hiérarchise les rapports entre individus. Et enfin, bien évidemment, c'est une configuration de pouvoir qui surdétermine la sexuation des individus, hein, qui insiste sur la sexuation des individus, et où les pratiques et performances sociales de ces derniers, hein, de ces individus, viennent négocier un peu les contours de leur identité qui leur est assignée. Donc on travaille à la fois sur des assignations, sur des résistances, des dissonances, et voir la multiplicité des luttes de classification, en fait, qui se jouent dans la société. Donc du coup, après cette présentation du concept de genre, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on peut entendre par classe populaire et en quoi, je pense, ça nous rassemble. En fait, c'est surtout un concept qui est intéressant, parce que c'est un concept finalement très flou dans toutes les sciences sociales, que ce soit en histoire ou en sociologie. On va y revenir, mais c'est assez intéressant du coup d'être ici ensemble pour pouvoir avoir des exemples de ce que chacun nourrit, enfin, pour nourrir ce concept et voir qu'est-ce qu'il peut regrouper dans nos divers travaux de recherche différents. Donc c'est un concept de classe populaire qui est très fréquemment employé dans les sciences sociales, et si on regarde d'un peu plus près les utilisations de ce concept, en fait il est souvent peu défini ou pas défini par les auteurs. À l'exception notable d'Olivier Schwartz dans la bibliographie, et qui a fait son habilitation à diriger des recherches sur la notion de classe populaire. Donc voilà, il a tenté de définir cette notion, et sinon c'est très souvent employé comme une évidence. Et en fait, ça n'en est pas une, et ce que Philippe Alonso et Cédric Hugret, qui sont les premiers dans la bio, sociologie des classes populaires, disent d'emblée, c'est que c'est une catégorie classificatoire, c'est-à-dire c'est vraiment ce dont on parlait, c'est une catégorie d'analyse, c'est quelque chose qui sert à partager le monde social, mais qui n'est pas une catégorie qui est reprise par les acteurs. Les membres des classes populaires ne diront pas « je suis membre des classes populaires ». Ils emploieront plein d'autres expressions, mais ce n'est pas une catégorie revendiquée, ce n'est pas une identité revendiquée par les acteurs. D'ailleurs, c'est assez souvent le cas pour toutes ces catégories classificatoires que peuvent être le sexe, l'âge, enfin, le genre, enfin, peut-être un peu moins pour l'âge. Mathilde, je parle sous ton contrôle. Donc c'est plutôt une proposition théorique à mettre à l'épreuve du réel pour voir à chaque fois comment ça se définit et comment on peut l'utiliser. Alors pour être assez rapide, je donnerai d'abord une définition des classes populaires, ensuite les critères qu'on peut avoir sur qu'est-ce que c'est les classes populaires, comment on peut déterminer qu'on appartient ou pas aux classes populaires, et puis les frontières de ce concept qui sont assez floues. Pour les définitions, d'abord partir du fait que peuple ou populaire, c'est un mot qui est en soi ambigu, puisque par peuple, on peut désigner l'ensemble des citoyens d'une nation ou la partie la moins favorisée de ces citoyens. Donc il y a déjà une ambiguïté au départ. On peut avoir une définition politique ou sociale de peuple et de populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la fraction la moins favorisée d'un groupe donné, si on prend la définition du Larousse, c'est l'ensemble des personnes qui n'appartiennent pas aux classes dominantes économiquement et culturellement de la société. Et on peut d'emblée noter la définition négative, privative des classes populaires. Les classes populaires sont ceux qui ne sont pas. Pas ceux qui sont, c'est ceux qui ne sont pas. Donc on voit déjà pointer leur nez, enfin on voit déjà les processus de domination pointer. Alors, le terme de classe, milieu, catégorie, pourquoi dire classe populaire, pas milieu populaire, catégorie populaire, couche populaire, qui sont aussi d'autres mots qu'on peut trouver beaucoup dans les descriptions. En fait, milieu et catégorie, c'est des termes neutres, c'est des termes... Milieu, c'est un terme très général. Catégorie, c'est le vocabulaire sociologique, ça s'apparente dans notre esprit au CSP, aux catégories socio-professionnelles. Donc, c'est des termes très descriptifs du monde social. Classe, c'est pas du tout le même héritage, c'est un héritage beaucoup plus politique, puisque c'est un terme qui n'est pas neutre et qui vient du marxisme. Et les classes ne se définissent que par un antagonisme avec une autre classe, donc un antagonisme de dominant-dominé, exploiteur-exploité. Et en fait, utiliser le terme de classe, ça permet de mettre au cœur des interrogations les processus d'opposition, et pas seulement de division du monde social. Quand on parle de catégorie ou de milieu, on divise le monde social. Quand on parle de classe, on met l'accent sur l'antagonisme, l'opposition et la domination. D'ailleurs, pour ce qui est des classes populaires, il n'y a pas vraiment d'équivalent avec milieu ou catégorie. Enfin, on peut dire milieu populaire ou catégorie populaire. Si on prend les autres, par exemple, on peut dire classe moyenne, on ne dira pas milieu moyen ou catégorie moyenne. Donc on voit bien que certains termes s'associent mieux que d'autres. Et alors pourquoi on l'emploie toujours au pluriel, les classes populaires, les milieux populaires? Ça permet en fait aussi de sortir justement de cette utilisation très marxiste du terme de classe, puisque dans le marxisme orthodoxe, on va dire la classe ouvrière, la bourgeoisie, donc c'est des termes qui sont employés au singulier. Dire les classes populaires, c'est enlever un petit peu de la charge politique du terme et lui donner une acception plus sociologique, même si elle continue à mettre l'accent sur des processus d'opposition. Donc c'est encore employé pour décrire le monde social, même s'il y a toujours cette notion d'opposition et d'antagonisme qui subsiste. Et c'est aussi une manière d'incorporer le flou de la définition dans les mots, puisque dire les classes populaires, on sent bien qu'il va y avoir plusieurs groupes qui vont constituer les classes populaires. Et en même temps, c'est vraiment l'avantage et le handicap de cette catégorie, c'est que sa souplesse lui permet d'être très utile pour l'analyse historique ou sociologique, même s'il est un peu flou. C'est ce que Pierre Bourdieu appelait un concept à géométrie variable, puisqu'il dépend vraiment du chercheur qui l'utilise. D'où la nécessité un peu de définir, quand on utilise le terme classe populaire, ce qu'on entend par classe populaire dans une recherche précise. Alors justement, si on cherche à définir quels sont les critères qui déterminent une appartenance aux classes populaires, globalement, il y en a quatre, sur lesquels à peu près tous les chercheurs, historiens, sociologues sont d'accord. Le premier, c'est le fait d'être en bas de l'échelle économique. Être membre des classes populaires, c'est être en bas de l'échelle économique, donc avoir une position désavantagée dans la distribution des richesses, une étroitesse des ressources économiques, ce qui n'est pas forcément de la pauvreté d'ailleurs. C'est plutôt une forme de vulnérabilité ou de précarité, une situation fragile, plutôt qu'une situation vraiment de pauvreté. Et cependant, cette condition, et c'est assez intéressant, n'est ni nécessaire ni suffisante pour déterminer l'appartenance aux classes populaires. Un exemple, alors peut-être on discute avec toi, Lucia, je ne sais pas, mais par exemple, assez souvent, les auteurs, les grands exclus, comme les SDF, ne font pas partie des classes populaires parce que justement, ils ont un trop grand déficit d'intégration sociale pour être intégrés aux classes populaires. Donc, ils seraient plutôt la frontière basse des classes populaires. Et pourtant, ils sont pauvres. Donc, ce n'est pas une condition suffisante. Et ce n'est pas non plus une condition nécessaire. Par exemple, Olivier Schwartz, donc celui qui a fait, le sociologue qui a fait son HDR sur les classes populaires, a lui travaillé sur les conducteurs de bus de la RATP et il montre que c'est des gens qui ont des bonnes conditions de salaire, donc qui sont plutôt bien payés, qui ont un emploi stable, donc qui ont une stabilité de l'emploi, donc finalement assez peu de précarité, et qui pour autant font partie des classes populaires. Donc ce n'est pas une condition non plus nécessaire. Alors, quelles sont les autres conditions? Le deuxième critère, c'est d'avoir une position subalterne dans la division du travail. C'est-à-dire que les membres des classes populaires sont soit des exécutants, donc là c'est vraiment le stéréotype de l'ouvrier à la chaîne, c'est vraiment le stéréotype, le cœur des classes populaires. Donc en fait c'est le fait de ne pas appartenir au groupe qui prend les décisions sur le terrain du travail, soit des petits indépendants, donc des petits paysans, le petit artisanat, les petits commerçants. Et donc la petitesse de leur statut social entraîne une dévalorisation symbolique dans la société. C'est des gens qui sont, dont la fonction de travail est souvent méprisée ou ignorée par le reste de la société, avec un sentiment en retour d'inutilité souvent de la part des classes populaires. Et Stéphane Beau et Michel Pialou, dans Retour sur la condition ouvrière, où ils enquêtent à Sochaux, montrent bien qu'il y a un élève de BEP d'usinage qui refuse d'être photographié. Et il explique ça en disant « Pourquoi vous me photographiez? Ça n'a pas d'intérêt en ouvrier. » Donc il y a vraiment une intégration, enfin, ce déficit, cette position subalterne dans la division du travail est vraiment intégrée aussi en partie par les classes populaires. Troisième critère, c'est le déficit d'intégration sociale, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont très souvent éloignés des positions de pouvoir, dominés socialement, donc ça on y reviendra sur la question de la domination, mais c'est très important. Ce qui souvent a pour conséquence le modèle qui a été théorisé par Richard Hogarth dans La culture du pauvre, c'est-à-dire des univers ségrégés qui fonctionnent sur le mode du « eux » et « nous ». Donc nous, les classes populaires, contre eux, tout le reste, le monde extérieur. Et donc c'est des univers fortement coupés du monde extérieur, avec une faiblesse des relations, un modèle ségrégué et clos. En gros, il y a d'un côté les espaces de vie quotidiens, qui sont essentiellement à base d'homogénéité sociale, où on est entre soi, donc la famille, le quartier, les copains de travail, le café. L'essentiel de la vie se déroule dans ces espaces. Et d'un autre, il y a l'espace des autres, des extérieurs, du monde extérieur, des autres groupes sociaux, de tout ce qui forme l'altérité sociale. Donc il y a une force et logique de séparation. Et Richard Hogarth, et c'est assez intéressant, insiste aussi sur le fait que finalement, cette ségrégation peut être intégrée et même finalement revendiquée par les classes populaires en disant il y a eux et il y a nous et on est fiers d'être nous et de ne pas être eux. Mais il insiste quand même sur le fait que c'est une coupure qui est d'abord subie et ensuite revendiquée pour essayer de l'humaniser ou de la supporter, on la revendique. On y reviendra un petit peu peut-être avec l'agency tout à l'heure, mais ça recoupe ces logiques-là. Et le dernier critère, c'est un critère plus culturel, c'est un éloignement de la culture savante. Donc c'est de la culture écrite, de la culture scolairement transmise et exigée. Éloignement ne veut pas dire absence, ce n'est pas des gens qui sont analphabètes, mais qui sont plus loin de cette culture que d'autres milieux. Donc là, je ne vais pas y revenir parce que c'est un très vaste débat, mais c'est toute la question de l'opposition entre culture savante et culture populaire, qui a été très développée en histoire, en sociologie, et avec notamment le livre central de Claude Grignon et Jean-Claude Passeron, « Le savant et le populaire ». Et enfin, Ce critère culturel, c'est donc l'éloignement de la culture savante, et puis c'est aussi, et c'est peut-être le critère le plus flou, mais le plus important, c'est une manière d'être, d'appartenir aux classes populaires. Donc c'est une culture au sens culture sociale. Appartenir aux classes populaires, c'est aussi et peut-être surtout partager des attitudes sociales, des façons de parler, des manières d'utiliser son corps, d'utiliser son temps, son espace, de se repérer. C'est le critère le plus flou, mais le plus décisif, parce que c'est celui de la reconnaissance sociale. C'est-à-dire, c'est un membre des classes populaires va identifier un autre membre des classes populaires majoritairement sur ces critères, qui sont des critères assez indicibles et impalpables, mais qui sont très importants sur les manières d'être. Des critères plus anthropologiques. Voilà. Alors, une fois posés ces critères, très rapidement, quelles sont les frontières de ce groupe? Qui le constitue? Il y a un groupe pivot qui est les ouvriers. Depuis le 19e siècle, c'est la classe ouvrière, c'est le groupe le plus nombreux, celui qui a l'origine de la culture commune, qui a le plus fort poids, qui a longtemps eu la plus forte visibilité politique, même si ce n'est plus le cas. Et en même temps, avec l'effondrement des années 70, on a vu apparaître d'autres... Enfin, l'effondrement des ouvriers de l'industrie dans les années 70, on a vu apparaître d'autres types d'ouvriers, notamment les ouvriers des services, qui sont particulièrement étudiés par Olivier Schwartz, ce qu'il appelle les ouvriers des services, donc à la fois les services après-vente, les réparations, la grande distribution, les aides-soignantes, les chauffeurs de bus, tout le secteur de l'aide à domicile aussi. Et on y reviendra un peu, enfin on y reviendra même longuement dans le séminaire avec la séance avec Isabelle Puech qui va porter justement sur ces services à la personne. Et donc, aux marges de ce groupe, qu'y a-t-il? En bas, la question, c'est de prendre ou non les exclus, les sans, les personnes sans ressources, les personnes sans domicile, les sans emploi, les sans papiers. Donc, est-ce que tous ces gens font ou non partie des classes populaires? Et en haut, quelle est la frontière avec les classes moyennes? Et ensuite, dernière chose à ne pas oublier, c'est qu'il y a des hiérarchies internes dans ce groupe. Ce n'est pas un groupe qui est homogène, comme le terme de classe populaire, qui est un terme qui regroupe, pourrait le laisser penser. Il y a bien sûr des hiérarchies internes à l'intérieur du groupe, et il faut y être attentif. Alors, pour terminer sur ce concept, il y a une mise en garde d'Olivier Schwartz qui paraît nécessaire et intéressante. La première chose, c'est que pour lui, il est difficile de parler et dangereux surtout de parler des classes populaires de façon ahistorique, sans histoire, puisque justement, on a un risque de réification, d'un éternel populaire, finalement. Et il dit qu'il y a deux écueils à parler des classes populaires de façon ahistorique. C'est le misérabilisme d'un côté, c'est-à-dire décrire la culture populaire comme totalement dominée, sans existence propre, ce qui peut aller jusqu'au mépris intellectuel. Et d'un autre côté, c'est le populisme naïf, c'est-à-dire l'idéalisation de l'univers de vie des classes populaires, avec l'idée que les classes populaires auraient des qualités intrinsèques. Alors ça peut être la modestie, la capacité d'indignation ou de révolte. Ça, c'est ce qu'ils appellent le populisme naïf, dont il faut aussi grandement se méfier. Et donc, historiser cette notion, a priori, c'est un des buts du groupe de travail et surtout du séminaire, c'est-à-dire essayer de voir comment cette notion de classe populaire évolue au fil du temps, puisqu'on parle de la Révolution française et on va jusqu'au très contemporain. Alors, assez rapidement, mais pourquoi est-ce qu'on a choisi dans le séminaire de prendre finalement genre et classe populaire? C'est-à-dire genre, comme on l'a bien vu avec Clyde, c'est un rapport de pouvoir qui comprend les deux termes du rapport de pouvoir, le masculin et le féminin, enfin, des groupes qui sont présentés comme antagonistes, masculin et féminin, alors que quand on prend classe populaire, on prend un terme du rapport de pouvoir. On n'a pas pris, on aurait pu intituler ça genre et classe sociale, ou alors femme et classe populaire, si on voulait prendre soit la totalité à chaque fois du rapport, soit à chaque fois l'élément dominé. C'est pas ce qu'on a fait, puisque dans un cas genre, on envisage les deux termes du rapport de pouvoir, et dans l'autre, classe populaire, on s'agit de s'intéresser au groupe qui est souvent le plus dominé. Alors d'abord, il y a une raison pragmatique, hein, c'est qu'on travaillait toutes sur les classes populaires. C'était notre objet de recherche, et donc on a décidé de garder ça. Et en même temps, c'est dans ces groupes soumis à l'oppression de classe que nous étudions les rapports de genre. Et les questions... c'est finalement, est-ce qu'il y a une spécificité des rapports de genre dans les classes populaires? Est-ce que les rapports de genre dans les classes populaires sont spécifiques? Est-ce qu'ils sont différents des rapports de genre dans d'autres classes sociales? Comment les rapports de genre se développent dans ces milieux soumis à l'oppression de classe? Et du coup, voilà, est-ce qu'il y a une spécificité des rapports de genre dans les classes populaires? Alors, un exemple très rapide de comment ces questions ont été traitées, qui est a priori pas un exemple que nous on traite dans nos sujets de recherche, c'est ce que les sociologues ont appelé la crise du masculin populaire. Ce qui est assez intéressant parce que finalement, quand on prend le masculin, c'est quelque chose qu'on peut essentialiser. Et il y a beaucoup de sociologues qui ont montré que socialement on nomme le masculin, en fait, c'est des caractères virils qui sont survalorisés dans les classes populaires, particulièrement. Donc historiquement, l'identité ouvrière incorporait une forte composante de genre avec des modèles masculins et féminins très contrastés. Le masculin populaire, c'est ce qui valorisait la force physique, la résistance corporelle, le courage. Et c'est normal puisque c'était aussi des métiers dans lesquels la force physique était très importante, des métiers physiques. Donc on avait une certaine adéquation. Avec une culture de l'honneur viril, savoir ne pas redouter les coups, savoir encaisser. Et puis une affirmation de la supériorité virile aussi, de la supériorité des hommes sur les femmes. Alors c'est pas forcément que les femmes des classes populaires étaient plus oppressées, c'est plutôt qu'on le disait plus. Il y avait quelque chose de plus explicite dans la... On disait plus la domination dans les classes populaires. Or, cette culture ouvrière, où le masculin était très, très fort, a subi la restructuration violente des processus de travail, avec le chômage, avec la dévalorisation de la force physique. D'ailleurs, ce qui est assez symptomatique, c'est que ce groupe devient innommable. On ne dit plus ouvrier, et en même temps, on a des noms comme opérateur, agent de production, enfin, des mots qui sont finalement très flous et qui n'incorporent plus du tout la portée symbolique du mot ouvrier. Et avec cette violence de l'attaque sociale sur ce groupe, on a finalement une crise aussi du masculin qui allait avec, notamment chez les plus jeunes. C'est-à-dire que le style de masculinité des pères se trouve dévalué par le chômage, par la précarisation. L'homme ne peut plus être celui qui amenait les ressources au foyer, ce qui était quand même ça, quelque chose qui était très fort dans le masculin des classes populaires. Et donc, paradoxalement, la virilité va parfois être la seule ressource de ces jeunes hommes, la seule ressource qui leur reste pour préserver l'estime de soi. Et donc, on va assister à des phénomènes de survirilisation des jeunes, avec une culture du défi machiste, des affrontements entre bandes, la systématisation du rapport de force, avec ce que Pascal Jamoul, qui a étudié dans un livre qui s'appelle « Des hommes sur le fil, la construction de l'identité masculine en milieu précaire », donc c'est dans une ville wallonne sinistrée par la crise, elle a étudié ça, et elle parle d'une virilité défensive dont l'ostentation cache le pathétique. Donc c'est vraiment, on se replie sur la domination virile, parce que justement on est totalement dominé socialement. Voilà. Et si on ajoute, alors la race qui est un concept compliqué sur lequel on reviendra, mais dans une perspective qui est la nôtre, on a tendance à utiliser ce terme, en tout cas ce qui est perçu comme une différence d'origine nationale, on peut dire. Si on ajoute ça, dans la crise des virilités populaires, il y a un procédé de stigmatisation très fort vis-à-vis des familles musulmanes, avec un stéréotype émergent du garçon arabe, qui serait finalement constitué comme repoussoir d'une virilité archaïque, et qui serait triplement anti-moderne, puisque c'est un garçon incurablement religieux dans un monde sécularisé, un garçon communautariste dans un monde individualiste, et un garçon machiste dans un monde qui est censé être égalitariste et ouvert aux revendications féministes. Donc on voit bien finalement que le genre affecte différemment les individus selon leur classe sociale ou leur race, et en tout cas que le genre se situe au cœur des rapports de pouvoir et de domination, qui sont les rapports sociaux de genre ou de classe. Et donc c'est pour ça qu'on a choisi, troisième temps rapidement, de mettre au cœur de ce séminaire l'étude des dominations et de leur possible subversion. Puisque finalement le genre et la classe, les rapports de genre et les rapports de classe sont des rapports de pouvoir, premièrement, ce qu'on a vu avec la définition du genre et avec ce que signifie la classe sociale, qui sont caractérisés par l'antagonisme entre deux entités, par des processus de domination, d'inégalité, avec une dimension conflictuelle à l'intérieur de ces rapports sociaux. Et on peut dire, enfin, j'avance l'hypothèse après mes lectures, qu'il existe au moins deux façons d'envisager la domination. Donc là, si vous avez des manières d'améliorer cette typologie, je vous écoute. Mais en gros, il y a des auteurs qui considèrent que la domination est un système quasiment total, qui ne permet pas de résistance finalement, et qui laisse très peu de place à la résistance, alors qu'il y a des auteurs qui pensent plutôt que c'est un système qui comporte des failles, qui peuvent être mises à profit par les individus, pour tenter d'amoindrir les contraintes qui pèsent sur eux, et c'est ce qu'on définit généralement comme l'agency ou l'empowerment, qui sont deux concepts de subversion de la domination. Donc assez rapidement, qu'est-ce qu'on entend par domination comme processus un peu implacable ou total ? Donc c'est une définition d'Erika... On a perdu Katie ? Non. D'Applebaum, dans le dictionnaire critique du féminisme, qui dit « Toute relation de domination entre deux groupes ou deux classes d'individus impose contrainte, assujettissement et servitude à celui ou celle qui l'a subi. Elle introduit une dissymétrie structurelle. » Donc l'idée, c'est que la domination, c'est un processus contraignant qui, d'une manière ou d'une autre, prive le dominé de certaines de ses ressources. Donc ça peut être des ressources sociales, intellectuelles, symboliques. En tout cas, celui qui est dominé va perdre une partie des ressources qu'il avait. Et elle est fondée sur une inégalité fondamentale. Le dominant se présente finalement comme la représentation de l'universel et il rejette le dominé dans le particularisme. Donc ça marche très bien pour le masculin et le féminin. On a pu parler de masculin universel, notamment la déclaration des droits de l'homme, enfin, voilà, tout ce genre de choses. Ça marche aussi pour les effets de racialisation. L'homme blanc qui se présente comme universel en rejetant toutes les autres dans le particularisme. Et enfin, la domination, elle se manifeste, elle s'incarne, elle a des effets concrets. C'est pas juste un concept théorique, elle a vraiment des effets dans la vie de tous les jours. Donc finalement, la domination s'est apparue assez tardivement dans le champ des sciences sociales comme un objet d'étude, et ça a surtout été étudié en sociologie. Donc le grand sociologue de la domination, c'est quand même Pierre Bourdieu, qui a à la fois étudié la domination dans les rapports de classe et aussi dans les rapports de genre, puisqu'il a écrit « La domination masculine » en 1998. Et ça a été, cette vision, elle est prolongée par Christine Delphi, dont on a déjà parlé, qui est aussi sociologue et qui a élaboré le concept de patriarcat à partir de, donc, on l'a dit, du marxisme. En fait, même si Bourdieu et Delphi ont tous les deux pensé des formes possibles de résistance, c'est pas des gens qui sont totalement du côté de la domination, ils sont quand même plutôt dans des théories déterministes, c'est-à-dire ils présentent plutôt les individus comme écrasés par les structures sociales et ayant assez peu de capacité de résistance. Et finalement, selon Jérôme Vidal, qui est un auteur qui a un peu essayé de travailler le concept d'agency, il dit qu'ils ont tendance à présenter les relations de domination comme des relations saturées, sans faille, sans ambiguïté, sans réversibilité. Et de ce point de vue, la possibilité de la résistance ne peut apparaître que comme un miracle sociologique. Et finalement, si on résiste, c'est qu'il y a eu une configuration un petit peu exceptionnelle qui fait qu'on a pu résister à un moment donné. Face à cette théorie de la domination comme quelque chose de très écrasant, il y a aussi des théories qui, elles, ont plutôt pensé des subversions possibles. Ça vient plutôt du champ de la philosophie, puisque ça s'est beaucoup appuyé sur les travaux de Michel Foucault, et donc ça a été prolongé par Judith Butler. Et l'idée là-dedans, c'est que c'est la définition du pouvoir de Michel Foucault, en fait, qui change la définition du pouvoir en disant que le pouvoir, c'est pas quelque chose qui s'exerce à sens unique, ça va pas du dominant vers le dominé, c'est une interaction entre les dominants et les dominés. Et j'avais une prof en Angleterre qui nous avait donné, je pense, la meilleure définition du pouvoir chez Foucault. Elle nous disait, le pouvoir chez Foucault, c'est ça. Elle disait, en fait, ça existe que s'il y a une résistance. C'est pas quelque chose qui s'exerce à sens unique, ça n'existe que par la résistance qu'on lui oppose. Donc c'est forcément une interaction. Et si on pense le pouvoir comme un rapport de force en interaction, finalement, on peut penser les possibilités de résistance, puisque le pouvoir n'existe que parce qu'il y a une résistance au pouvoir. Donc forcément, il y a une possibilité d'autre chose. Et pour Butler, même s'il ne s'agit pas de nier l'existence de la domination masculine, de l'hétérosexisme, elle insiste davantage sur les ratés, sur les échecs et sur donc les possibilités de subversion. Et donc c'est là où intervient la notion d'agency, qui en fait peut se traduire en français, même si elle est peu traduite, par capacité d'agir ou puissance d'agir. Et c'est la capacité parfois, dans certaines circonstances, de subvertir, de détourner, de critiquer le pouvoir. Mais il faut bien voir que c'est une potentialité, c'est un potentiel. C'est pas forcément agir, c'est pas forcément mis en acte. C'est quelque chose que possèdent les individus et qui, dans une certaine configuration, ils vont pouvoir mobiliser. Donc, l'empowerment, c'est un autre concept qui, en fait, signifie un peu la même chose, mais dans une acception plus collective. L'empowerment, ça va être à plusieurs. L'agency, on peut l'exercer seul. L'empowerment, c'est des formes collectives d'émancipation et de réappropriation du pouvoir par les dominés. Bon, pareil, c'est assez dur à traduire en français, ça donne encapacitation, empuissancement, c'est pas terrible. Donc voilà, et pourquoi c'est intéressant ces deux concepts? Parce que ça permet, comme on le disait tout à l'heure, de sortir un peu d'une vision misérabiliste des dominés, celle que dénonçaient notamment Grignon et Passeron, et ça permet de penser une résistance. Et donc ça remet au cœur de la discussion les notions de liberté et d'émancipation. Voilà, donc toute la question, c'est un peu de savoir comment on pourrait appliquer ces concepts qui sont quand même très théoriques au champ social, mais je pense qu'on parle déjà beaucoup trop. Donc juste, je vous signale qu'il y a un article qui est le premier dans le 4, hein, Catherine Achin et Delphine Naudier, Trajectoire de femmes ordinaires dans les années 70, la fabrique de la puissance d'agir féministe. Et ça, c'est une enquête de sociologie où elles essayent vraiment de pratiquer le concept d'agency. Donc c'est assez intéressant, mais je ne vais pas détailler parce que je pense qu'on n'a pas le temps. Voilà. Juste pour finir, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'expérience de la domination dans un champ, par exemple dans le champ de la classe, peut être une ressource et un motif de la prise de conscience de la domination dans un autre champ, par exemple le champ du genre. Donc prendre conscience qu'on est dominé en tant que membre des classes populaires, ça peut permettre de mobiliser des ressources pour refuser la domination en tant que femme. Prendre conscience qu'on est dominé en tant qu'homosexuel, ça peut faire prendre conscience d'oppression de classe. Donc l'idée, c'est que finalement, croiser le type de domination, c'est intéressant parce que les dominations, elles ne se cumulent pas forcément, elles peuvent aussi être des ressources l'une pour l'autre. Et donc là, c'est la méthode qui est centrale pour ce séminaire de l'intersectionnalité. Voilà, et du coup, on va un peu sur le deuxième grand temps de cette présentation, qui est le comment, pour décrire un peu comment on aimerait que fonctionne le séminaire, ou qu'on aimerait que fonctionnent nos travaux de recherche. Et tout d'abord, en travaillant avec cette méthodologie de l'intersectionnalité. Alors, je suis désolée qu'on vous assomme un peu de concepts. En fait, c'est juste pour voir ce à quoi on fait appel dans nos recherches. Après, c'est beaucoup plus prosaïque et terre-à-terre quand on écrit des choses sur nos travaux, quand on présente nos travaux. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ce bagage qu'on essaye d'accumuler et qui permet de penser et d'articuler notre recherche. Alors, l'intersectionnalité. Après, je crois qu'on n'a pas d'autres termes, on s'arrête. Travailler avec la méthodologie de l'intersectionnalité, donc c'est le premier temps un peu de ce deuxième point, qui est, à savoir, on essaye de faire un peu le pari dans ce séminaire d'une approche multidimensionnelle. Bon, j'ai dit que j'arrêtais les concepts, mais c'est pas trop conceptuel, c'est multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on essaye de croiser. Et vous allez voir, à chaque fois avec les séances, on essaye de croiser race, classe, genre, etc., âge, hein, pour essayer toujours de voir comment ça s'articule, comment ça se combine, pas figé, parce qu'on a compris que c'était pas bien, hein, et que sinon on essentialisait les catégories, voilà. Donc, une approche multidimensionnelle. Pour rebondir sur la question de la domination, hein, il faut qu'on problématise l'articulation genre-classe, pour pas justement être dans le misérabilisme et qu'il y ait une sorte d'addition des dominations. Pas non plus comparer l'oppression de genre et comme l'oppression de classe, hein, mais essayer de penser l'articulation. Du coup, ce qu'on veut voir, c'est que ces rapports sociaux de sexe, de classe, de race, d'âge, d'orientation sexuelle, race, vous comprenez bien que je mets des guillemets symboliques et que c'est en tant que concept qu'on l'appréhende, et j'espère qu'on reviendra dessus, peut-être avec Muriel d'ailleurs, qui est une exception dans notre programme très franco-français, blanc, désolant, mais voilà. Donc Muriel, tu as une lourde charge. Tu n'avais peut-être pas pensé le genre, mais est-ce que tu avais pensé la race? Voilà, bref. Voilà. Donc, cette question de l'intersectionnalité, elle renvoie justement à cette construction mutuelle, hein, et ces configurations variables. Elle renvoie aussi à des problématiques qu'il faut qu'on ait bien en tête. C'est des problématiques d'ordre politique et sociologique. Bon, une fois de plus, l'histoire est un peu à la ramasse dans les sciences humaines. On n'a pas encore, il y a pas d'article sur l'intersectionnalité en histoire. Non, mais faut le dire, et c'est vrai. Alors, pourquoi une problématique politique? Parce que la question de l'intersection, quand est-ce qu'elle arrive, en fait, dans le champ des sciences humaines? Elle arrive quand le mouvement féministe, en fait, se trouve confronté à d'autres mouvements, d'autres types de mouvements féministes ou alternatifs, ou n'importe quoi, excusez-moi, d'autres mouvements féministes et d'autres mouvements sociaux, notamment les mouvements subalternes, les mouvements gays, lesbiennes, alors c'est LGBTI maintenant, et Q aussi, donc ça fait lesbienne, gay, bisexuel, trans, intersexe et queer. Donc tous ces mouvements-là, hein, comment le féminisme blanc de classe moyenne des années 70 peut intégrer, hein, la diversité de ces nouvelles identités de lutte? Et c'est un questionnement qui a été posé notamment par l'arrivée du black feminism, hein, sur la scène des sciences sociales, qui est un courant de féminisme critique formé à la fin des années 70 aux États-Unis et qui vient un peu contester l'hégémonie des représentations blanches de classe moyenne qui travaillent en fait les mouvements féministes à cette époque. Dire, et la femme noire, est-ce qu'elle rentre dans le « nous les femmes » des féministes des années 70? C'est aussi une problématique plus sociologique, et c'est sur cet aspect qu'on va essayer de développer un peu nos positionnements, à savoir l'articulation, hein, des rapports sociaux. Bien évidemment, donc une articulation concrète des formes de domination qui ne sont pas vécues de la même manière selon les propriétés sociales des groupes concernés. Et du coup, derrière l'étude des classes populaires, notre séminaire entend, espère, analyser la complexité des identités et des inégalités sociales par le biais des communications de nos intervenantes, comme les familles ouvrières algériennes, par exemple, la jeunesse ouvrière chrétienne ou les prostituées parisiennes. Vous voyez bien, hein, que tout ça, on regroupe ça derrière cet étiquetage classe populaire, mais que pour nous, qui ne voulons pas figer les notions, on essaye d'insister, hein, sur la pluralité des situations sociales et des expériences subjectives que recouvrent justement ces catégories de classe populaire. Alors, comment est-ce qu'on peut penser un peu cette articulation? Alors, il y a deux grands modèles conceptuels qui ont été faits, le modèle analogique et le modèle intersectionnel. Alors, le modèle analogique, c'est intéressant pour comprendre un peu, hein, comment le féminisme en est venu à intégrer un peu ces rapports race, classe, genre, notamment. C'était une façon de penser le genre selon un modèle qui permet de décrire des rapports sociaux de domination fonctionnant d'une même manière. Et comme le concept clé des années 70, c'est le concept de classe, on essaye de penser la question de la race, notamment, et la question du genre, sur le même modèle qu'est pensée la classe. Donc en fait, c'est un travail un peu pédagogique du féminisme qui est mené à cette époque pour penser la domination et essayer de prendre hein, ce qui a été fait comme travail critique autour de la classe pour l'intégrer aux études sur le genre et sur la question de la race. Alors, l'analogie avec la classe. Comparer le genre avec la classe, en fait, donc c'est rapprocher une catégorie d'analyse, le genre, qui est encore trop souvent perçue comme naturelle, hein, j'en ai parlé tout à l'heure rapidement, de ce qu'on pourrait considérer, par contre, comme le rapport social par excellence, qui est la classe, dans les années 70. Donc ce modèle analogique hein, de comparaison, il permet d'assurer le travail de désessentialisation du genre. En fait, on compare à la classe pour montrer que c'est un rapport social, historique, hein, et que du coup, on peut l'analyser et le déconstruire. Il intervient dans toute la controverse qui agite le milieu français, notamment entre féministes, différentialistes. Je crois que c'est vraiment les derniers concepts. Hein. Entre féministes, différentialistes... Co-substantialité. Ah oui, et féministes, matérialistes. Le féminisme différentialiste, en fait, dans les années 70, il pose l'existence de deux essences distinctes, féminin et masculin, distinctes mais complémentaires. Et du coup, en termes de stratégie féministe... Ce qui est important pour ce courant-là, c'est de revaloriser le féminin dans la différence des sexes, sans pour autant interroger le principe de différence lui-même. Donc dire, ok, on est différents, mais on est complémentaires, et jouons de notre différence. A l'inverse, pour les féministes matérialistes, beaucoup plus marxistes que ce courant-là, vous l'aurez compris, ce qu'il faut prendre comme cible, c'est la différence, l'antagonisme, justement, hein, la construction de ça, là. Il faut attaquer ce « ça », essayer de comprendre le principe, le mode de fonctionnement pour justement changer le système. Voilà, les différentialistes, elles veulent revaloriser le féminin, les matérialistes, elles disent non, mais on change de structure. Donc penser les femmes comme une classe, ça permet de penser le genre comme un rapport social, un rapport historique, un rapport antagoniste qu'on peut analyser, comparer, etc. C'est le même travail qui intervient dans l'analogie avec la classe, à savoir cette volonté de avec la race, pardon. À savoir cette volonté de désessentialiser, de débiologiser pour la race des concepts et du coup de montrer hein, comment c'est des constructions sociales qui sont en fait naturalisées. Et donc on doit interroger cette naturalisation. Colette Guillaumin, féministe matérialiste, dans un ouvrage intitulé « Sexe, race et pratique du pouvoir » décrit un peu de manière exemplaire ce fonctionnement analogique entre la race et le sexe qui, selon elle, partage une même logique de naturalisation des rapports sociaux. Je la cite, elle dit « Sexisme et racisme sont des naturalismes. Les conduites humaines seraient ainsi inscrites dans la nature et jailliraient d'une différence d'avant l'histoire précédant les relations réelles entre groupes. » Et ce naturalisme-là peut s'appeler racisme, pour Colette Guillemin. Je la cite toujours. Il peut s'appeler aussi sexisme. Et du coup, en fait, ce qu'elle dénonce, c'est qu'on revient toujours à dire que la nature... finalement, ordonne la société et permet de cautionner hein, les différences et de statut qu'il y a entre les individus et va jusqu'à organiser des programmes génétiques spéciaux pour ceux qui sont socialement dominés. Hein. On en vient juste à une sorte de contrôle des corps même, des gens qui naturellement sont inférieurs, perçus comme inférieurs. Et du coup, elle va forger un concept de sexage, en fait en faisant le parallèle entre oppression des sexes et esclavage, oppression des races ou servage par exemple, pour dénoncer justement hein, ces mécanismes d'appropriation des dominés qui caractérisent les rapports de genre et de race. Pour Christine Delphi, autre féministe matérialiste, cette démarche pose un problème, c'est qu'elle ne permet pas de montrer la spécificité du genre. On compare des logiques, mais on ne voit pas du coup en quoi le genre peut apporter quelque chose, puisque finalement, le genre est une oppression de classe, c'est aussi une oppression de race, etc. Donc finalement, pourquoi penser le genre? Il suffit qu'on reste dans le concept de classe, on peut comprendre toutes les dominations. Du coup, le genre a profité de ce travail analogique, hein, parce qu'il a permis d'être désessentialisé, de voir comment il pouvait fonctionner comme un rapport social, mais il perd de sa spécificité. On ne voit pas quel intérêt on a à travailler le genre en plus de la classe, par exemple, puisqu'une fois qu'on étudie la domination, voilà, elle est universelle, en quelque sorte. Et c'est de cette tension qu'est né le modèle plus spécifiquement intersectionnel. Donc, nouvelle théorisation, qui n'entend pas du coup, comparer ou additionner les dominations, qui, selon ce modèle, sont finalement un peu simplistes, puisque ça fait exister des sortes de super-dominés et de super-dominants, Donc, l'exemple typique, c'est la femme noire pauvre, par exemple. Et du coup, dans son manuel d'introduction aux gender studies, Laure Verini, par souci justement de pédagogie, rappelle que par exemple dans notre société, hein, qu'elle définit d'ailleurs d'une façon assez courageuse comme capitaliste, sexiste et raciste, savoir qu'elle a un poste en tant que maître de conf et dire une chose comme ça pour présenter notre société, je trouve ça assez fort. Donc elle dit « Notre société capitaliste, sexiste et raciste, dans cette société, il n'est pas certain que la position la plus désavantageuse soit nécessairement celle des femmes de couleur des classes populaires. Si on les compare aux hommes du même groupe social, ces derniers sont par exemple beaucoup plus exposés à certaines formes d'arbitraire, comme les contrôles de police. » Et de fait, c'est vrai, autour de nous, on voit concrètement qu'il y a peut-être plus de domination dans certains aspects, par exemple dans l'espace public, sur les hommes des milieux populaires de couleur que sur les femmes des milieux populaires de couleur. Donc c'est pourquoi elles ont apporté un nouveau concept, mais qui est forgé de deux mots très simples, les dominations paradoxales. Donc pensez la question des dominations paradoxales, notamment à l'intersection de la race et du genre. Puisque, en effet, ce qui a animé le modèle intersectionnel, c'est l'étude des sociétés esclavagistes et post-esclavagistes. Et c'était justement pour illustrer la difficulté de penser la domination comme arithmétique. Donc ce nouveau modèle, en fait, il essaye de repenser les catégories de la différence et leurs effets, mais également, plus généralement, repenser la domination. Donc on ne fiche pas les catégories, on ne fiche pas la domination, qui n'est pas un rapport universel, mais une configuration spécifique. Alors, par exemple, le cas de l'homme esclave, dominant paradoxal. Le black feminism a montré que l'homme esclave, par exemple, ne dispose pas des caractéristiques qu'on attribue généralement aux hommes pour caractériser leur domination. Ils ne sont pas propriétaires, ils ne pourvoient pas aux besoins de leur famille, ils ne contrôlent pas le rapport conjugal, puisque le maître, finalement, peut intervenir à tout moment. Et par ailleurs, ils se trouvent contraints à réaliser des travaux de type féminin, comme la couture, le nettoyage, la cuisine. Et donc finalement, il incarne en quelque sorte ce dominant paradoxal dont les attributs de la virilité, liés notamment à sa position dans la division du travail, sont constamment minorés. De façon similaire, la femme esclave est une dominée paradoxale, puisque par exemple elle travaille comme un homme, elle nourrit sa famille, elle est traitée au même titre que les hommes dans une société esclavagiste, et elle peut atténuer la domination de genre dont elle est l'objet, en valorisant justement cette position spécifique, elle travaille dans les champs, elle est forte, et du coup essayer de capter certains bénéfices traditionnellement réservés au rôle masculin. Donc il y a cette atténuation, c'est peut-être pour ça aussi, des fois on ne se pose pas la question de genre, parce qu'il y a d'autres identités qui sont plus mobilisées par les individus pour faire valoir certains droits et essayer de capter certaines ressources. Donc il ne faut pas additionner, il ne faut pas comparer, il faut essayer justement de voir comment ça se construit. Mutuellement. D'où la volonté de penser ces rapports comme des rapports consubstantiels, je vais définir ça, et coextensifs. Ça, c'est Daniel Kergoat, toujours, qui a dit que pour penser l'intersection, il faut voir ce rapport comme un rapport à la fois consubstantiel, c'est-à-dire que genre, race, classe, âge, etc., forment un nœud et ne peuvent être séquencés. On peut les penser, en fait, finalement, que tous ensemble. Ces rapports sont aussi coextensifs, puisqu'ils se produisent et se reproduisent mutuellement. Alors, comment ça se traduit concrètement ? Alors là, c'est un historien. George Chauncey, dans un ouvrage intitulé « Gay New York », essaye de travailler cette intersection entre genre, classe et orientation sexuelle. Lui, il rajoute les catégories de la sexualité. Et en fait, il essaye de décrire dans cet ouvrage le processus de sexualisation de classe qui est à l'œuvre dans la ville de New York au tournant du XXe siècle. Pour lui, les positions sociales, en fait, à cette époque-là, sont interprétées en termes sexuels. Et certaines identités sexuelles sont-elles, au contraire, considérées comme des marqueurs de classe. Je m'explique. Par exemple, les homosexuels de la classe moyenne perçoivent les homosexuels des classes populaires, ceux qu'ils appellent les tantes, comme des individus vulgaires et dénoncent leur efféminement à outrance. Et cette exhibition, si vous voulez, de leur homosexualité est vue comme un signe de vulgarité caractéristiques des classes populaires. De même, alors que les homosexuels de classe moyenne cherchent à se distinguer, donc c'est justement dans cette éthique de la distinction qu'on pense la vulgarité des homosexuels des classes populaires, ils essayent d'adopter des comportements raffinés, sophistiqués, pour se distinguer, et du coup sont perçus comme efféminés par les classes sociales du même milieu, mais hétérosexuels. Donc dans les deux cas, finalement, il y a toujours ces rapports-là de construction, de distinction. Et on voit bien que les marqueurs de classe et de genre ne peuvent pas être interprétés d'une seule et même manière, et qu'il faut toujours voir en fait la position occupée par les individus dans l'espace social pour les appréhender. Donc, il y a une ambiguïté hein, fondamentale des systèmes de perception et de catégorisation qu'il faut toujours avoir à l'œil. Et donc, souligner un peu cette intrication qu'il y a entre des caractérisations classistes et genrées dans la formation des identités, par exemple, populaires, new-yorkaises, au début du XXe siècle. Donc, essayer de saisir hein, les rapports sociaux dans leur construction simultanée. Deux auteurs, Candace West et Sarah Fensmerker, parlaient de réalisation située pour faire référence justement à hein, comment on peut étudier ces intersections par l'étude de réalisation située, c'est-à-dire des contextes dans lesquels les catégories s'actualisent et trouvent leur signification au cours des interactions. Donc il faut voir que certes, bon, la question du genre, de la classe sont présents partout et tout le temps, mais ils peuvent être posés comme éléments plus ou moins significatifs, plus ou moins saillants dans différentes situations et contextes, et selon la position et le positionnement des acteurs. Et c'est particulièrement l'étude des mobilisations collectives hein, qui ont essayé de penser justement ce positionnement et comment est-ce qu'on peut faire valoir l'identité de genre, de classe, selon le moment. Donc on essaye un peu d'étudier une sorte de compromis instable entre des processus d'attribution et d'étiquetage, des acteurs qui incorporent ces identités, mais qui aussi revendiquent d'autres identités, et voir comment ils essayent hein, de se positionner dans ces configurations instables. Voilà. Alors, pour finir, très rapidement, juste pour présenter le programme du séminaire, en fait, déjà, le cadre spatio-temporel, on part de la Révolution française et on va jusqu'à nos jours, parce que Clyde s'y présente et Cathy s'y absente. Travaillent tous les deux sur la Révolution française, donc on a pris ça comme bord de départ et puis on va jusqu'à nos jours. Pourquoi on a choisi rapidement la Révolution française ? On est l'événement fondateur de la modernité. Tout à fait, vous êtes l'événement fondateur de la modernité. Non, en fait, socialement, c'est la fin d'une société d'ordre et le passage à une société de classe, donc il y avait une espèce d'évidence puisqu'on passe d'une société qui est fondée sur des privilèges, des obligations, à une société où justement on doit se redéfinir et où donc les classes sociales émergent réellement, avec une augmentation des possibles sociaux, une plus grande souplesse. Et pour le genre, selon Michel Rieu-Sarcey, la Révolution française inaugure une ère nouvelle, l'aspiration collective à l'égalité de tous et de chacun. Et comme le soulignait Katie, en fait, finalement, cet immense bouleversement qu'est la Révolution française, qui est un bouleversement social et culturel, dévoile ainsi clairement que les catégories et les identités ne sont pas des essences stables, c'est-à-dire ce qu'on pensait sous l'Ancien Régime comme des catégories figées et stables, on était du tiers-état, on était de la noblesse, etc. La Révolution française va dévoiler que c'est quelque chose de beaucoup plus construit et qu'on peut changer ses identités. Donc à partir de là, on passe dans une phase de la modernité, ce qu'on pourrait appeler la modernité, puis on va jusqu'à nos jours. C'est une borne logique puisque c'est un séminaire qui rassemble des historiens et des sociologues et que les sociologues travaillent sur le présent. Donc on essaye d'éclairer le présent à la lumière du passé, donc on va jusqu'à nos jours. Alors notre première année, elle est très franco-française et on est un peu désolé, on s'en est rendu compte après. En fait, on travaille quand même plus ou moins toutes sur le cadre français, à part Patricia qui fait une comparaison entre l'Espagne et la France. Donc on est parti de nos terrains de recherche et on essaiera peut-être d'élargir au moins l'espace européen si ce séminaire a une suite. Alors pour vous présenter rapidement les interventions, en fait, on a fait là une présentation très théorique et conceptuelle avec Clyde. On a essayé de mettre des exemples, il n'y en avait certainement pas assez. Le travail de notre groupe, ça a été beaucoup de travailler sur les théories parce qu'en fait, on se retrouvait tout le temps confronté dans les articles, dans les livres qu'on lisait à ces théories. On ne voyait pas foncièrement à quoi elles se référaient ou dans quel champ elles s'inséraient, quelle position politique, enfin, épistémologique à laquelle elles se référaient. Du coup, on a beaucoup travaillé les théories et aussi on a fait ce séminaire avec la volonté de les confronter à des recherches de sociaux, d'histoire, à des enquêtes, à des matériaux d'archives ou à des enquêtes de sociologie pour vraiment essayer de confronter ces catégories, ces concepts à de la recherche très concrète. Donc, rapidement, pour faire une présentation un peu thématique du programme, on a d'abord essayé de croiser les concepts dont on a parlé, et particulièrement le genre et les classes populaires, avec d'autres catégories de la différence. Donc, avec Muriel, le mois prochain, on essaiera de voir si les catégories de race et ou d'ailleurs de nationalité ou d'ethnicité, il y a plein d'autres concepts qui peuvent désigner ça, comment ça peut se croiser ou pas avec le genre et les classes populaires. Juliette Rehm, qui vient le 2 mars, elle essaiera de croiser genre, classe populaire et l'âge, qui est une autre des grandes catégories de la différence. Et puis Lola González-Quijano, elle croisera plutôt genre, classe populaire et sexualité, c'est-à-dire sexualité au sens de pratique sexuelle ou d'orientation sexuelle, donc sexualité vénale, sexualité conjugale, ce sera la sexualité vénale avec la prostitution. Mais on aurait pu aussi croiser avec l'hétérosexualité, l'homosexualité, des identités trans, etc. Bon, on ne sait pas pour cette année, mais ça aurait été possible comme autre pratique, catégorie de la différence. Il y a une catégorie de la différence qu'on n'a pas abordée, qu'on essaiera peut-être d'aborder une fois, c'est le handicap, qui est aussi une catégorie de la différence et qu'on n'a pas croisé. Ouais. Je finis. Et du coup, notre grand thème d'intervention, c'est on essaie de voir les processus et les infrastructures socioculturelles qui peuvent transformer ces articulations genre-classe, donc la religion, la consommation, des grandes mutations du secteur de l'emploi, la tertiarisation, l'industrialisation. Donc Anthony Favier viendra parler avec une perspective religieuse plutôt, puisqu'il parlera de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Sur la consommation, c'est Sandrine Roll qui viendra essayer de croiser genre, classe populaire et consommation. Et Isabelle Puech, avec l'emploi des femmes dans les services à la personne, envisage plutôt la tertiarisation. Et puis enfin, l'autre grand thème, on pourrait dire, c'est celui des mobilisations collectives, qui sont un moment, un lieu de travail du genre, un moment où justement on va travailler à la fois le genre et la classe sociale, ces concepts-là. Donc ça sera étudié avec des mobilisations ponctuelles, comme les grèves, les manifestations, avec par exemple l'intervention de François Jarige et Xavier Vignien, le genre de la contestation ouvrière. Et aussi, on essaiera de traiter les mobilisations collectives avec des mobilisations plus de long terme, donc des associations dans des structures un peu fermées comme les associations ou les syndicats. Et donc là encore, Anthony Favier peut rentrer dans cette définition. Voilà. Alors, merci beaucoup. On espère qu'on ne vous a pas... Ça faisait tout ça à dire quand même. Mais... Après, les autres séances sont beaucoup plus...